Y'a du bénéfice au final, on les pardonne. Veulent tous rentrer dans le gang, on les fascine. On les cartonne, on les tartine. J'dis salam alaikum, on les platine. J'en fais des JP et des interros. Après l'apéro, sur quoi on montera. Chaque nouveau contrat, ça me coûte un frérot. Le petit m'a serré la main, rajoute un zéro. Mes gros doigts sur la musique de France. Toi tu me fais des grandes accolades mais tu m'aimes pas. Masterclass publishing, je crois t'as pas capté l'ambiance. Tu m'as rincé un cap-tac, tu sais même pas. Si on reste en face, don't panic. Pour un mauvais regard, company. Affranchis musique, en 360. Arrive la menace, good fellas company. Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Sacrifier tout pour le fait, éclairé par les feux. Ils ne croisent que des génies qui n'exauceront pas leurs vœux. Et je ne convoite pas leur foi, et je n'adore pas leur dieu. Affranchi contre le game, je ne jouera pas leur jeu. Oh, bientôt! Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Oh, bientôt! Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Oh, bientôt! Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Oh, plus rien quand c'est riche que c'est quota. Pas de crips, pas de blots, pas de motards. Que des porte-valises. On les voit qui s'organisent, mais le temps qu'ils réalisent, il sera trop tard. Toute la rébellion qui chute, c'est des lutins. J'ai toujours le sens du but et du butin. Faire en sport bien, faire en plein bras. T'avais bien dit d'être sympa, putain. C'est des espions, c'est des intrus. Je reprends le camion pour nous conduire. Madeira qui sont la guerre pour des points de rue. Donc il fallait bien quelqu'un pour les construire. C'est des traîtres, c'est des taupes, c'est des fous nazis. Le rappeur qui est dans ton cœur, je suis peut-être son parrain. C'est des pages, des papiers, c'est des fougazis. Des poissons dans un bocal, dans un sous-marin. Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Sacrifier tout pour le fait.